Divago, per porsi un dosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte. Bentornati sulle frequenze liquide di Ondivago, che vi augura un buon anno. In Francia si augura buon anno durante tutto il mese di gennaio, e noi adottiamo non solo questa abitudine, ma anche l'idioma d'Oltralpe nel corso di questa puntata del 2011. Anna Raffaella Farao, che mi accompagna nell'avventura di Ondivago, ci parlerà dei colori, e lo farà in francese. Anna Raffaella è scrittrice, autrice del libro bilingue Il pianeta blu Myosotis, ma anche arredatrice di interni, due passioni comunicanti. Come arredatrice si è formata alla famosa scuola d'arte Boulle di Parigi e potrete scrivere ad Ondivago per domande su questa puntata e per consigli e progetti per arredare la vostra casa. La nostra email è sempre ondivagoradio@gmail.com. Questa puntata è una occasione inoltre per esercitare il vostro francese o per invitarvi a riscoprirlo. Bienvenue sur les fréquences aqueuses d'Ondivago. Qui vous souhaite une bonne année? En France, les vœux s'adressent durant tout le mois de janvier. Aussi nous adopterons non seulement cette coutume de bon augure, mais également l'idiome d'Outre-Alpes au cours de cette séquence 2011. Anna Raffaella, qui m'accompagne dans cette aventure ondivaguesque, nous parlera des couleurs dans sa langue, qui est le français. Anna Raffaella est décoratrice d'intérieur et d'écrivaine, ses deux passions premières. Elle a publié La planète bleue Myosotis, premier récit d'une saga pour l'enfance où se mêlent fantastique, surréalisme et poésie. Ses écrits sont en bilingue, français-italienne, comportant des illustrations en couleur. En tant que décoratrice, elle a poursuivi sa formation à l'école Boulle de Paris. Pour quelconque information sur les séquences d'Ondivago ou pour contacter Anna Raffaella pour des éventuels conseils en décoration ou ses écrits littéraires, vous pouvez nous joindre sur ondivago@gmail.com. L'intitulé de ce numéro d'Ondivago est « Les couleurs sont la musique des yeux ». Bonjour Max, aujourd'hui je vais vous parler des couleurs, mais avant cela, je vous ai concocté un petit rébus pour lequel je vous donnerai la solution à la fin de la séquence. Alors je vous énonce les solutions. Mon premier est un métal pur d'un blanc bleuâtre. Mon second est un ghetto pour animaux. Mon troisième est une plante herbacée à fleurs bleues, cultivée pour les fibres textiles de sa tige, et mon tout est une couleur. Je commencerai par une citation de Delacroix qui disait que les couleurs sont la musique des yeux. Comment pourrait-on définir le mot « couleur » ? La définition la plus exacte que l'on peut donner, c'est l'impression que fait sur l'œil la lumière diffusée par les corps. Mais il faut savoir que notre univers coloré est composé de vibrations énergétiques qu'est la lumière. Mais la lumière n'est-elle pas blanche ? C'est l'impression que nous avons cependant, après un orage, vous aurez tous observé un arc-en-ciel irisé. Eh bien, cette irisation est la décomposition de la lumière à travers la pluie. Combien de couleurs peut-on distinguer à travers l'arc-en-ciel ? Il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Il y a le rouge, il y a l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Vous comprendrez que l'œil est l'organe essentiel pour distinguer les couleurs et leurs nuances. Cependant, notre perception est limitée, car nous ne percevons que 40% des rayons de l'énergie lumineuse. Au-delà du spectre solaire, il y a l'ultraviolet, donc au-delà du violet, et l'infrarouge en deçà du rouge. Est-ce que les couleurs ont une vibration? Oui, bien sûr, chaque couleur a une longueur d'onde différente. Les couleurs chaudes et vives sont les plus longues et contiennent la plus forte énergie. Les couleurs froides ont une longueur d'onde plus courte et une intensité énergétique inférieure. Le rouge, donc vous le comprendrez, a la vibration la plus longue et la plus énergisante. Lorsque vous êtes fatigué, je vous conseille de vous vêtir de rouge ou d'orange. Plus longue et plus calorique que le rouge se trouve l'infrarouge, donc les ondes radio, les ondes radar et le courant alternatif. Si vous avez des maux de dos, vous pouvez les soulager grâce à une exposition aux infrarouges. Plus court que la couleur violette sont les radiations ultraviolettes, les rayons X et les rayons gamma. Quelles sont alors les plus lumineuses? Eh bien, ce sont celles qui sont au centre du spectre solaire, soit le jaune, le vert, le bleu. Tu peux nous expliquer ce que sont les couleurs primaires, secondaires et tertiaires? Alors, les primaires sont celles qui ne peuvent s'obtenir en mélangeant d'autres couleurs entre elles. On les appelle aussi élémentaires car ce sont les trois couleurs de base à partir desquelles sont formées toutes les autres teintes. Ces trois couleurs primaires sont le rouge, le jaune et le bleu. Les secondaires, elles, sont obtenues par le mélange à part égale de deux couleurs primaires. Je vais vous donner des exemples. Orange, donc, est composé de rouge et de jaune. Le vert est composé de jaune et de bleu. Et le violet, de bleu et de rouge. Ensuite, nous trouvons les couleurs tertiaires, qui sont toutes celles obtenues par le mélange des trois couleurs primaires en proportions inégales. Nous trouvons également les couleurs complémentaires. Ce sont les couleurs qui font défaut au mélange des secondaires. Je m'explique. L'orange est obtenu par le rouge et le jaune, donc sa complémentaire est le bleu. Pour le rouge, nous aurons le vert comme complémentaire. Et pour le jaune, nous aurons le violet comme complémentaire. Est-ce qu'en est-il du blanc et du noir? Le blanc est considéré comme la synthèse de toutes les couleurs. Et le noir est l'absence de couleur. Ce sont les contrastes. Le blanc absorbe peu de rayonnement, elle est donc fraîche. C'est d'ailleurs ce que l'on porte plus aisément l'été, n'est-ce pas? Le noir, lui, absorbe la quasi-totalité des rayonnements, il est donc très chaud. Est-ce que les couleurs correspondent à des sons? Tout à fait. À chaque couleur correspond une note de musique. J'indiquerai les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Pour le violet, c'est le si, qui correspond au son le plus aigu. Pour l'indigo, le la. Le bleu, c'est la note sol. Le vert, nous trouvons le fa. Le jaune correspond au mi. L'orange au ré et le rouge au do, qui sont donc les sons les plus graves. Avant de vous parler de la symbolique des couleurs, je voudrais évoquer les pigments naturels utilisés jusqu'en 1856, avec l'apparition des colorants synthétiques. En effet, il existe trois sources de pigments naturels, les végétaux, les minéraux et les animaux. Parmi les colorants à base de plantes, on trouve les extraits de garance pour les rouges orangés, bois du Brésil pour les rouges, du rocou pour les jaunes orangés, de la gaude, genêt, safran, curcuma et cartame pour les teintes jaunes, du nerprin pour le vert, indigo pour le bleu, le pastel pour les bleus clairs, le brou de noix pour les bruns, le sésame pour le violet, de la noix de galle pour le noir. Quant aux extraits animaux, on trouve le murex, qui est extrait d'un mollusque gastropode de la Méditerranée pour le pourpre, la cochenille pour l'écarlate ou le carmin. En ce qui concerne le murex, c'était un colorant qui, dans l'Antiquité, se vendait au poids de l'or. C'était un luxe suprême, réservé aux grands dignitaires et à l'empereur. Je voudrais apporter des précisions sur l'obtention de la couleur bleue. Hormis les colorants végétaux, celle-ci était obtenue à partir des minéraux comme le lapis-lazuli, souvent réservé par les peintres à la réalisation du manteau de la Vierge. Le fameux bleu de Sèvres est à base de cobalt. Certains verres sont obtenus à base de carbonate de cuivre ou d'arseniate de cuivre ou d'oxyde de chrome. Le vermillon rouge très vif est obtenu à partir de sulfure rouge de mercure. Les empereurs de Constantinople signaient à l'encre rouge. L'éther, plus connu comme ocre jaune, ocre rouge, terre de Sienne, sont des argiles naturellement colorées. Un grand tournant se fera dans les années 20 avec les peintres muralistes mexicains Diego Rivera et Orozco, qui peignaient de très grandes surfaces en extérieur, et pour que leurs œuvres puissent supporter le soleil et les pluies, incitèrent les industriels de la chimie à produire un type de peinture, et ainsi furent créés les vinyliques et les acryliques. Nous arrivons maintenant à la symbolique des couleurs. Alors, je commencerai avec ta couleur préférée, Max, si tu veux. Quelle est ta couleur préférée? Dans cette période de ma vie, ma couleur préférée est le bleu. Bien, puisque le bleu est ta couleur préférée, je commence par le bleu. Le bleu est associé au ciel, à l'air, à la légèreté, aux sphères inaccessibles, au calme et à la paix. Il symbolise la sagesse divine et la vérité. Jésus est vêtu d'une robe bleue, c'est la couleur du repos, du calme, de la fidélité. Avant de passer aux autres couleurs, je vais vous parler du noir et du blanc. Alors, le noir avant tout est associé à la tristesse, au deuil, au chagrin, symbole de mort. Sur le plan ésotérique, il signifie un changement d'état. Il invoque la réincarnation. Le blanc, lui, est associé à la purification, à l'absolu, la vérité, la virginité. Il est symbole de vie, d'union. La fin n'existe pas, la fin d'une chose est toujours le début d'une autre, et le noir et le blanc se renvoient l'un à l'autre. Parlons maintenant du rouge. C'est la couleur du sang, du feu, celle des sentiments, de la passion, de la colère même. Son effet physique est très tonique. Le rouge est ambivalent, associé au courage, au mouvement, à l'action, mais aussi à la destruction, au démon, au feu de l'enfer. Il est à la fois symbole de vie et de mort. D'ailleurs, au Moyen-Âge, ce fut une couleur mortuaire, car le rouge, dans le phénomène de la combustion, passe du rouge-brun pour s'éteindre dans le noir, la cendre et le charbon. Passons au vert. C'est la vie végétative, l'harmonie, l'équilibre, l'immobilité, la sagesse divine, le calme, la régénération, l'immortalité. Symbole de l'eau, de la régénération spirituelle. Couleur du printemps, du triomphe, des combats spirituels. Dans son ambivalence, il représente les poisons, les serpents, la putréfaction. Dans certaines traditions, l'émeraude passait pour être l'attribut de Satan. L'orange, il indique la gaieté, la joie, couleur de l'intuition, signe d'union à Dieu. Le jaune, couleur du soleil, il a les qualités de la lumière, chaleur et gaieté. Il est la couleur des vitamines et de tout ce qui apporte calories. l'huile, le maïs, le miel, le beurre, les œufs. Cette couleur était consacrée au conducteur des âmes. Dans son ambivalence, il devient un symbole de cupidité. Rappelons-nous la ruée vers l'or. Il est associé à la trahison et à la jalousie. Donc, messieurs, n'offrez jamais de rose jaune. Le violet, il exprime la spiritualité, tout comme le bleu. Il est signe de mysticisme, empreint de mélancolie et de souffrance, de tristesse. C'est la couleur des martyrs, des cardinaux. Couleur de deuil chez les rois de France. C'est la transition entre la vie et l'immortalité. Parlons des bruns maintenant. C'est le symbole de sécurité, consolide et conforte, mais il indique aussi la dégradation de la matière vivante. Le gris, il est associé au passage entre la lumière et l'obscurité. Il indique l'équilibre et la neutralité, la tiédeur, la monotonie. Les couleurs ont-elles un pouvoir curatif? Parlons maintenant des propriétés thérapeutiques des couleurs. En ce qui concerne le blanc, il faut savoir qu'il est antiseptique. Il active la tonicité des organes, il est rafraîchissant. C'est la couleur idéale pour l'été. C'est donc la couleur des blouses des professions liées à la médecine. Le noir calme la nervosité, il diminue la suractivité glandulaire, à éviter si on a le blues ou si l'on est dépressif. Le rouge, il est énergisant, stimulant, il combat l'anémie et les maladies provoquées par le froid, les rhumes, grippe, bronchite. Le orange, il lutte contre la somnolence, c'est un tonique cardiaque, stimulant respiratoire, il aide à combattre l'asthme, l'arthrite, c'est un fortifiant. Le rose, lui, est antineurasthénique. Il améliore les problèmes circulatoires. Antidépresseur nerveux, aide à lutter contre les maladies du sang. Le jaune, c'est un tonifiant neuromusculaire. Il stimule les fonctions cérébrales. Il est favorable dans le cas de douleurs musculaires, d'allergies, d'eczéma. Il est antidépresseur. Le vert, comme nous le savons, est calmant, mais non sédatif comme le bleu. Il est à la fois revitalisant, il purifie le sang, on l'utilise en cas d'hypertension. Il donne une sensation de bien-être, d'ailleurs vous avez tous ressenti après une balade en pleine nature la sensation de relaxation. Le bleu, lui, donc est sédatif, mais également fébrifuge, il calme l'hypernervosité, favorise l'oxygénation, il est antispasmodique. Couleur froide à utiliser en cas de chaleur excessive. Vous aurez compris dorénavant pourquoi les chambres d'hôpitaux sont peintes en blanc, en bleu ou en vert. Le violet, c'est une couleur détoxifiante, aide aux troubles du sommeil, augmente les défenses de l'organisme. Le marron calme les problèmes liés au système hépato-biliaire et régule les troubles hypoglycémiques. Et nous terminerons avec le gris, qui est un anti-inflammatoire. Il réduit les maladies liées au stress. Je vais maintenant vous parler de quelques qualificatifs relatifs à la couleur. Une couleur peut être criarde, chatoyante, vive, claire, sombre, mate, brillante, fluorescente, lumineuse, patinée, franche, nuancée, pastel ou dégradée. Un objet sur lequel se reflètent plusieurs couleurs peut être multicolore, polychrome, diapré, bariolé, bigarré, irisé, moiré, nacré, versicolore. Je vais vous donner également quelques nuances relatives aux couleurs principales. Le bleu peut être cobalt, outre-mer, marine, de Prusse, azur, ciel, nuit, électrique, pétrole, turquoise, bleu roi, pervenche, indigo. Comme vous voyez, les palettes sont très riches. Je vais vous en donner quelques-unes pour la couleur verte. Alors le vert peut être pomme, olive, amande, émeraude, sapin, véronèse, bouteille, mousse, pré, vert d'eau, vert anis, pistache. Passons au jaune, qui lui inspire la vanille, le mimosa, la jonquille, le citron, le pamplemousse, le bouton d'or, le safran, topaz, jaune d'or, jaune canari, jaune d'œuf, ocre. Le rouge, lui, peut être carmin, vermillon, coquelicot, sang, pourpre, incarnat, cerise, grenat, rubis. L'orange, cuivre, abricot, rouille, carotte, corail, saumon. Le violet, prune, aubergine, lilas, mauve. Le gris, perle, anthracite, gris-souris. Quelques expressions utilisant les adjectifs de couleur. On peut dire être rouge de colère, vert de rage, avoir une peur bleue, la nuit tous les chats sont gris, rire jaune, rire forcé pour dissimuler du dépit, rire grinçant. Alors, nous allons parler des effets d'optique des couleurs et je vais vous donner quelques indications pour la décoration. Il faut savoir que le blanc rend les objets plus grands mais plus légers. Le noir rend les objets plus lourds et les rapetisse. Les teintes claires ou pastels agrandissent les volumes en général. Si une pièce est trop petite, évitez les sols sombres, plutôt les plafonds clairs et peu de meubles. Si une pièce est trop grande, murs à dominante foncée seront l'idéal. Le plafond peut être de couleur vive, encombrer les pièces de mobilier. Si une pièce est trop haute, peindre le plafond comme le sol, habiller les murs de grands motifs. Si une pièce est trop basse, tapisser murs et plafond des mêmes motifs. Ou alors, le plafond peut être brillant et des meubles bas. Pour créer votre atmosphère, sachez que les couleurs froides sont le bleu, le vert, le violet pour des ambiances fraîches. Le rouge, l'orange et le jaune ainsi que le marron contribuent à donner une ambiance chaleureuse. Votre intérieur ne doit pas être un méli-mélo de couleurs. Les règles pour une bonne harmonie est d'en choisir trois en général, celle qui vous plaît, celle qui vous stimule et celle qui vous procure du bien-être. Donc, la couleur favorite sera utilisée pour les murs et les sols dans une proportion de 60%. La couleur qui vous tonifie servira à 30% pour le décor de la pièce, par exemple les rideaux, les couvre-lits, les coussins, les mobiliers. Et les 10% restants sont réservés à la troisième couleur disséminée en petites touches. Je terminerai cette séquence par une observation de Kandinsky sur la couleur verte qui est la couleur la plus répandue dans notre environnement. Il disait que le vert absolu est la couleur la plus calme qui soit. Elle n'est le siège d'aucun mouvement. Elle ne s'accompagne ni de joie, ni de tristesse, ni de passion. Elle ne demande rien. Elle ne lance aucun appel. Cette immobilité est une qualité précieuse et son action est bienfaisante sur les hommes et sur les âmes qui aspirent au repos. Notre séquence est terminée. J'espère que vous aurez été ravis d'apprendre des choses sur les couleurs qui font partie de notre vie. Je vais vous donner la solution du rébus. Alors, mon premier est un métal pur d'un blanc bleuâtre. C'est le zinc. Mon second est un ghetto pour animaux, c'est le zoo. Mon troisième, qui était la plante herbacée, c'est le lin. Et mon tout, donc, qui est une couleur, est le zinzolin. Le zinzolin est un violet rougeâtre assez vif que l'on obtient du sésame. C'est un mot qui provient de l'arabe, djoujolan. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, et vous m'excuserez. Et c'est la semence donc de sésame. Donc vous aurez appris une autre couleur, le zinzolin. Je vous dis à bientôt à la prochaine séquence. Au revoir. Merci Anna Raffaella pour nous avoir guidés durant ce parcours coloré. Nous vous invitons à nous écrire pour des éventuels projets de décoration ou pour tout renseignement concernant Ondivago. Merci de votre écoute et à bientôt sur les ondes. Tutti i brani musicali di questa puntata sono Creative Commons. Avete ascoltato dei brani di Vivaldi, quindi dall'estate e dall'inverno, dal violino di John Harrison, provenienti da Wikipedia. Un altro brano, appunto, Sneaky Snitch, è invece di Kevin MacLeod. Per quanto riguarda le note che corrispondono ai colori, ringraziamo ancora una volta Alessandro Gianotti. Alessandro, con i suoi studi Java Audio di Torino, è il curatore ufficiale del suono di Ondivago. Ondivago, parcours ondoyant travers la littérature, les arts et la culture. Un programme conçu et présenté par Max Pont. Info, ondivago.blogspot.com. Email, ondivagoradio@gmail.com.